Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le vol du siècle au Musée des Beaux-Arts de Montréal en septembre 1972. Trois cagoulards armés de carabines à canon tronçonné ont commis la nuit dernière au Musée des Beaux-Arts de Montréal l'un des vols les plus spectaculaires de l'histoire canadienne. Le montant du vol s'élève à environ 3 millions de dollars. Les bandits se sont enfuis en emportant 18 tableaux, dont un Rembrandt qui à lui seul vaut 1 million, et 39 objets d'art ou de valeur historique. C'est dans la nuit du 3 au 4 septembre 1972 que se produit ce vol qu'on appellera le vol du siècle au Canada. Trois individus, vous venez de l'entendre, pénètrent dans le Musée des Beaux-Arts de Montréal et repartent avec près d'une quarantaine d'objets d'art et 18 tableaux de grande valeur. Aujourd'hui encore, des années plus tard, ce vol reste un mystère. Aucune trace des voleurs, non plus que des œuvres volées. Nous avons perdu 18 tableaux et 39 objets. À combien évaluez-vous ces tableaux et ces objets? Nous n'avons pas encore une évaluation officielle, mais officieusement, je peux vous dire qu'il s'agit d'un montant d'environ 2 millions. Quelles sont les pièces qui manquent? Le tableau le plus important est sûrement le Rembrandt. C'est une huile sur toile qui mesure 10 sur 15,5 et qui s'intitule « Paysage avec chaumière ». C'est un tableau qui est arrivé au musée en 1945 par l'entremise de la collection Van Horn. Les autres tableaux, bien, il s'agit de peintres aussi bien connus que Millet, Corot, Gainsborough, mais sans doute le plus important, c'est quand même le Rembrandt. Bill Bente, du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui décrit donc cette perte que vient de subir le musée lors de ce vol du 4 septembre 1972. Pour nous raconter l'histoire de ce vol du siècle au Canada, le consultant en œuvre d'art Alain Lacourcière, ex-sergent détective affecté aux crimes liés à l'art au service de police de la Ville de Montréal. Alain Lacourcière, quel coup quand même ce vol de 72. Qu'est-ce qui se passe cette nuit, au petit matin du 4 septembre 72? Bon, écoutez, au petit matin, faut savoir que ces individus-là sont préparés. Ces individus-là ont passé plusieurs jours à vérifier les rénovations du Musée des Beaux-Arts, soit la verrière. Parce qu'ils vont en profiter du fait que le musée est en rénovation. Ils le savent très bien. Oui. Et à l'époque, c'est un édifice commercial qui est en face du Musée des Beaux-Arts. Et les trois individus, pendant tout l'été, ont des chaises sur le toit et vont surveiller les rénovations. Ils vont surveiller, justement, pour programmer leur vol, où sont les endroits, les failles dans le système de sécurité. Ce qu'on sait, c'est que le système d'alarme était désactivé puisqu'il y avait des rénovations. Donc, le matin du 4 septembre, c'est la fête du travail, en plus. Et on va cibler cette journée-là, sachant très bien que les effectifs policiers sont moindres, que les gardiens ou la sécurité et que le musée va être fermé. Mm-hmm. Donc, on cible cette journée-là spécifiquement pour monter à l'aide de pics des gens de Hydro-Québec ou Bell Canada. On va monter l'arbre pour aller sur le toit du musée, descendre l'échelle, faire monter les deux autres complices, ouvrir le puits de lumière, descendre avec une corde à l'intérieur du musée. Et on sait très bien que les gardiens, à cette heure-là, il y en a qui vont être dans la cantine, dans la cuisinette, et on va tirer un coup de feu pour faire monter les deux autres gardiens, et on va ligoter les trois gardiens. Ça aussi, c'est délibéré. On tire un coup de feu pour attirer l'attention. Exact. Ils vont appliquer. Exact. On les maîtrise, et ils ont maîtrisé tout le monde, et ont commencé à récupérer les biens qui étaient ciblés. On va pas là. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent exactement quelle salle ils ont visité. Où sont les bijoux qu'ils veulent et où sont les tableaux qu'ils veulent? Parce que il y a d'autres tableaux qui sont laissés sur les murs. On n'a pas ramassé tous les tableaux de la même salle. Mm-hmm. Et là, on va dans le garage pour les mettre à côté de la fourgonnette du musée. Et on fait quelques voyages comme ça. Mais l'erreur qu'ils ont commis, c'est qu'ils n'avaient pas pensé que le camion était relié au système d'alarme du musée. Oui. Parce que c'est de l'autre côté, ou de l'extérieur, ou même de la fenêtre de la porte du musée, on ne peut pas voir ce lien-là entre le système d'alarme et le camion. Donc, quand on ouvre la porte du camion, le système d'alarme se déclenche. Les trois individus sortent, prennent les piles de tableaux, les bijoux qui étaient déjà dans leur poche, prennent les tableaux qui sont sur le bord, oui. qui peuvent, disons, transporter eux-mêmes. C'est des petits tableaux, de fait, la plupart. Exactement. Hein? La plupart, c'est des petits tableaux. Ouais. Et on part avec 18 tableaux. Plusieurs tableaux, dont un Rembrandt qui vaut 10 fois le prix du premier Rembrandt, est laissé là. Oui. Sur les lieux. Mais ça, c'est pas le manque de connaissances. Ils savent ce qu'ils vont chercher. Oui. C'est le temps. Ils n'avaient pas prévu que le système d'alarme se déclenche. Non. Là, le temps presse. On part vraiment à pied. C'est fou, là. À pied, mais ils sont arrivés probablement avec une auto qui servait à un des complices pour s'enfuir. Les deux autres prenant le camion du musée. Alors là, on est pris avec les tableaux dans probablement un véhicule de fuite et les trois personnes à l'intérieur. Donc, ça restreint un petit peu le moyen de transport. On les a jamais retrouvés, puis on y reviendra, ces voleurs-là, mais on peut pas. Est-ce qu'ils ont des complices sur le chantier, au musée? Parce qu'il y a une connaissance quand même à la fois du chantier et du musée. C'est l'heure de pause des gardiens, etc. Là. Peut-être pas, mais ils connaissent très bien les rénovations et l'équipe de construction. La grande échelle qui était là. Qui était là sur le toit pendant tout l'été, donc on s'en est servi. Ouais. Donc, on a planifié le vol. On a un commanditaire, c'est sûr, là, pour aller là. Et on a planifié le vol en conséquence des travaux, mais avec une date butoir qui était la fête du travail de septembre. Mmh. Donc, l'intérieur du musée, pendant tout l'été, c'est facile à visiter. Ouais. Comme visiteur, on paye le billet, puis on va faire un tour. Mais notre but étant quoi? De vérifier l'intérieur, les détecteurs de mouvement, ces choses-là. Mais les détecteurs de mouvement, la nuit, ils sont pas actifs parce que les gardiens ont à visiter, ont à faire le tour. Donc, on sait très bien que... Est-ce qu'il y a un complice à l'interne ou à l'intérieur du musée ou de la compagnie de construction? Rien n'a prouvé ça dans aucune des déclarations. Aucun suspect de ces gens-là n'a été recensé. L'enquête va être déclenchée, évidemment. Ça se passe comment? Bon, l'enquête, principalement, les tableaux, c'est les photographies des tableaux, c'est de diffuser l'information. Mais vous savez qu'à cette époque-là, comme un peu encore aujourd'hui, l'intérêt policier pour les œuvres d'art ou ces choses-là, c'est pas prioritaire, c'est pas un crime contre la personne non plus. Donc, les assureurs, Lloyd's, à l'époque, c'est eux qui vont mettre de la pression sur la police de Montréal pour qu'on diffuse l'information rapidement, mais ça prend encore là des semaines et des mois. Et à l'époque, ce qui était comme stratégie des gens de toutes les compagnies d'assurance, c'était d'attendre la demande de rançon. Parce qu'on pensait tout le temps que c'était l'ultime but, c'était de demander une rançon pour récupérer les œuvres. Alors, la plupart du temps, c'est faux. Vous lisez dans mes pensées, Alain Lacourcière, parce que notre prochain extrait, justement, c'est un reportage de Normand Lester au 20e anniversaire du vol en 92. Mais le premier qu'on va entendre dans l'extrait de ce reportage, justement, c'est celui qui est enquêteur pour les compagnies d'assurance à l'époque. Oh. Écoutez bien ce qu'il va nous dire. Le Rembrandt qu'ils ont laissé près de la porte du bureau du côté est valait plus que tout ce qu'ils ont volé. Mais ils ont quand même volé une somme considérable. À l'époque, ça valait combien, ces toiles-là? La réclamation a monté à 1 943 000, si je me souviens bien. André Decoix, chargé de l'enquête il y a 20 ans par les assureurs du musée, croit que la rançon était le mobile du vol. Vu la prise de contact qu'ils ont fait sitôt après le vol, les policiers enquêteurs et moi, j'ai l'impression qu'ils avaient volé ça pour une rançon. Le directeur actuel du Musée des Beaux-Arts affirme que depuis les tentatives d'approche de 1973, les cambrioleurs ne se sont jamais plus manifestés. Non, ça reste un des grands mystères. C'est un vrai roman policier. On n'a jamais retrouvé la moindre trace des tableaux qui avaient été volés en 72. Pour moi, ce qui est important, c'est que ces œuvres-là n'aient pas été détruites. Une œuvre d'art, c'est tellement rare, c'est tellement précieux. On comprend pourquoi les gens veulent voler des œuvres d'art. On comprend pourquoi les musées veulent les garder, pourquoi le public veut les voir. Alors, dans ce sens-là, moi, je souhaite qu'il ne soit rien arrivé à cette collection. Le directeur du Musée des Beaux-Arts de Montréal, en 1992, au moment du reportage, Pierre Théberge, on va revenir un peu plus tard, Alain Lacourcière, sur ce que sont vraisemblablement devenus ces tableaux volés en 72. Mais un petit mot quand même. Vous disiez, c'est classique à cette époque-là, et la police et les enquêteurs des compagnies d'assurance disent exactement ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage-là. On attend, le mobile, c'est une rançon. Oui, mais c'est faux. Et de tous les gros vols d'œuvres d'art dans le monde depuis deux siècles, c'est pas la rançon, c'est une partie va être la rançon. Je vous explique et je vais démolir toute l'hypothèse. C'est qu'on a demandé une rançon sur des objets ou des bijoux ou des œuvres d'art qui n'étaient pas du commanditaire, que le commanditaire n'avait pas passer comme commande ou n'en avait pas demandé. Ouais. Et c'est souvent ça, le des voleur... Petits extras. Des petits extras, et on va se faire quelques milliers de dollars avec les petits extras. Les voleurs appellent d'une boîte téléphonique, appellent en fait le directeur du musée, lui disant, voici notre... Là, on est sérieux, il y a un bijou qui est caché dans une boîte de cigares à la boîte téléphonique au coin de McGill et Sherbrooke. On trouve une boîte de cigares Allport à l'époque, et c'est pour ça qu'on a appelé le voleur Allport, parce que à l'intérieur de la boîte, il y a un bijou qui est de faible valeur, c'est le plus en ouais. faible valeur dans la boîte. Par la suite, on demande, c'est beau pour les bijoux, mais on veut voir si vous avez entre les mains les tableaux. Donc ça se parle, il y a négociation. Ça se parle, il y a négociation, et on retrouve un tableau à la gare centrale dans un casier, mais... Un Bruegel ancien. C'est un Bruegel ancien qui s'est révélé être un faux. Ouais. Donc, les voleurs, les gens qui ont planifié ce crime-là, le savaient, parce qu'un Bruegel ancien, comme étant un vrai, aurait eu une très grande valeur alors qu'on le remet à la police. Par la suite, on organise une filature, on organise un échange de rançons contre les tableaux dans Longueuil. À l'époque, c'est des champs. Et là, on place sur les lieux des policiers, on place de la filature, on place des gens pour photographier, etc. Les voleurs ne se présentent jamais. Est-ce qu'ils ont vu les policiers se mettre en place? Ouais. Ou est-ce que c'était justement pour faire bouger la police pour autre chose, puis on n'a jamais revu les tableaux? Si ça avait été pour une rançon, 2 mois ou 1 an après, on serait revenu ouais. avec ça. On ne vole pas dans un musée comme ça puis dire « on va appeler après ça pour essayer de les vendre ou on va appeler pour une rançon ». J'ai jamais vu ça. Ouais. Commande essentiellement quelqu'un qui veut des tableaux, qui oui. dit « c'est ça que je veux » et puis des petits extras qu'on essaiera de passer moyennant une rançon. M. Théberge, je disais dans l'extrait qu'on vient d'entendre, espère au fond que ces tableaux-là oui. existent toujours. Il y a eu... toutes sortes de rumeurs, Alain Lacourcière, sur ce qui était devenu... certaines rumeurs horribles pour ceux qui aiment l'art. Oui. Il serait dans le fleuve Saint-Laurent. Mais il y a eu toutes sortes de rumeurs entourant ce que sont devenus ces tableaux. Oui. Il y a eu des rumeurs à l'époque un richissime membre de la mafia ici était en train de se faire construire un voilier et que les œuvres avaient été roulées et mises dans la coque lors de la construction. Au secours. Une autre rumeur que moi j'ai eue aussi d'un autre individu, un suspect qui est en Colombie-Britannique arrêté pour trafic de stupéfiants, où à l'effet qu'un avocat les avait enroulés dans un cylindre d'acier sur son terrain en Estrie. Mais ça a été des rumeurs de 1970, 73, 75 aussi. Ouais. Donc, le voleur de Colombie-Britannique avait lu ça dans les journaux, en fait. C'est facile, là, par téléphone ou même avec 2 questions, de voir que c'est complètement farfelu. On a eu plein de rumeurs, plein d'autres choses, et ça s'est jamais concrétisé. On n'a jamais eu une trace, jamais une photo de ces œuvres-là. Et vraisemblablement, oui. que sont probablement devenus ces tableaux? Et décore une maison ou un palace de quelqu'un de la mafia russe, italienne, française, ça. Qui a eu en échange contre de la drogue, contre des armes. Ouais. Les œuvres d'art depuis 1950, depuis la fondation de la mafia après la Deuxième Guerre mondiale, ont développé ce qui est le marchandage d'œuvres d'art contre des dettes, contre de la drogue, contre des armes. Maintenant, on a la mafia russe qui fait ça. Les Colombiens, les motards criminalisés font des échanges comme ça. Et on a plusieurs cas, dont les membres de Montboucher qui échangeaient pour le 10e du prix d'une œuvre d'art, comblaient leurs dettes qu'ils devaient en drogue à Montboucher. Donc, un vol d'un million, on a 100 000 de dettes de drogue, on donne le tableau, on vient d'éliminer notre dette. Et que cherche le crime organisé là-dedans? C'est le kick, passez-moi l'expression, pardon, le prestige? Ou parce que ces œuvres-là, on peut rien faire avec ça. Là. Non, mais c'est toujours échangeable contre d'autres choses. Ouais. Donc, c'est plus facile de passer un tableau qui mesure, comme on a vu ici, un corot qui mesure 30 cm par 42 cm, qui vaut 16 millions de dollars. À passer ça aux douanes, ça pèse 450 grammes. À passer ça aux douanes, au lieu de 3 valises d'argent. Ouais. C'est complètement facile à faire et régulier. On le voit régulièrement. Dans quelle mesure on a affaire à des professionnels qui connaissent l'art dans ce vol de 72? On en a un petit peu parlé, mais oui. un mot encore, après quand même, ça te fait plaisir. Tiens, un petit bout d'Arsène Lupin. On m'a volé. Mathilde! Quoi? Viens voir! Bon sang! Et mon Michel-Ange? Extraordinaire. J'ai tout de même sauvé mon Michel-Ange. La perle de ma collection. Ah, celui-là, ils n'ont pas eu. Qu'est-ce que c'est que ça? Arsène Lupin. Mais je me demande pourquoi il a laissé celui-là. C'est un expert. C'est un expert, dit Arsène Lupin, donc expert. Plus sérieusement, on l'a dit, ils savent ce qu'ils veulent. Ils laissent un Rembrandt qui vaut très cher, vous nous disiez, probablement parce qu'ils n'ont pas le temps de le prendre. C'est vraiment des gens qui connaissent l'art, qui font ce vol, ou s'ils ont été bien briefés, tout simplement. Un des deux, mais d'après moi, conseillés, ils ont été très bien conseillés, ou ont eu les photos de ce qu'ils cherchaient, et ont eu des mois pour préparer leur vol. Donc, ils savaient très bien où était les tableaux que voulait le commanditaire. C'est pas nécessaire. C'est des experts en introduction par effraction ou en vol à main armée. Ont peut-être pas nécessairement les qualifications pour retrouver ces hommes, mais ont été très bien identifiés sur les lieux, en compagnie probablement du commanditaire pendant l'été. On savait le commanditaire lui-même, possiblement, souvent. Bien sûr. Va les accompagner lors d'une visite au musée. Bon, ce vol-là, au Canada, c'est le plus important dans un musée canadien, le vol de 72. Oui. Ça se compare comment aux grands vols de musées dans le monde, ailleurs dans le monde? Ben, écoutez, c'est sûr que c'est à plus petit montant ou aussi au nombre d'œuvres qu'on a volées pour 18 œuvres qui s'élèvent aujourd'hui à environ 75 millions de dollars quand même. C'est rien de comparable, par exemple, au vol qu'il y a eu en 1992, au Isabella Gardner Museum de Boston, qui s'élèverait aujourd'hui à environ 700 millions de dollars, qui serait le plus gros, millions. Exact, le plus grand vol d'œuvres d'art au monde de tous les temps, où on a volé, la Tempête de Rembrandt, qui était son chef-d'œuvre, un de ses chefs-d'œuvre, mais un des cinq principaux chefs-d'œuvre qui vaudrait aujourd'hui plus de 100 millions de dollars. et on a gardé au Isabella Gardner Museum, on a gardé les endroits où les œuvres ont été découpées à l'exacto, roulées, et on a gardé ces endroits-là. Et je peux vous dire que lorsqu'on visite le musée, c'est très impressionnant de voir qu'est-ce qui est disparu, qu'est-ce qui va toujours manquer à l'histoire de l'art. Et comme dans le cas de Montréal, aucune trace ni des voleurs ni des œuvres? Non. Quelques soupçons. Les enquêtes à l'époque se sont dirigées vers les étudiants des Beaux-Arts de Montréal, de l'École des Beaux-Arts. Mais à Boston, pas de traces non plus. À Boston, quelques traces. On vient de remettre justement en branle des millions de récompenses et on dit qu'on sait qui a volé les œuvres. Mais d'après moi, c'est inexact. Mais à Montréal, non, donc. Rien. Montréal aussi, rien, zéro. Bon. Aujourd'hui, est-ce qu'un vol pareil est encore possible? Je vous propose un extrait de reportage de Claude Sauvé qui est diffusé au Point en 1988. Très, très difficile aujourd'hui de s'emparer d'une toile accrochée dans un musée en espérant ne pas être pris. Certains malfaiteurs autrefois ont bien réussi à dérober les tableaux de manière assez rocambolesque. Par exemple, il y a 15 ans, dans ce musée de Montréal, en s'introduisant par les toits la nuit et en ligotant des gardiens. Mais depuis, on a multiplié les surveillants humains, très visibles, et surtout les surveillants électroniques, parfaitement invisibles. Quand on pense à l'expulsion Léonard de Vinci, on avait des mesures de sécurité extraordinaires, et je pense que bien peu de visiteurs se sont rendus compte à quel point on avait fait des efforts de ce côté-là. À nouveau, Pierre Théberge, directeur du Musée des Beaux-Arts de Montréal, au moment de ce reportage qui date de 1988, qui parle donc, Alain Lacourcière, des mesures de sécurité qui sont plus sophistiquées, comme public, on ne les voit pas, mais elles sont là. Le reporter disait aussi, c'est invisible maintenant. Dans quelle mesure ça s'est amélioré? Et la question de base et de fond, est-ce qu'un vol de grande ampleur est encore possible aujourd'hui? Bien sûr. Après ce reportage-là, 3 ans après, Gardner de Boston, 300 millions à l'époque. 2010, Musée d'art moderne de Paris, 15 tableaux. En Italie, à tous les ans, ils volent en Italie le nombre d'œuvres que contient le British Museum. C'est volé en Italie. À Zurich, dans un musée, le cri de Munch, où deux individus sont arrivés armés. Il n'y a aucun système de sécurité. Il n'y a aucun système non détectable ou de gardien. On ne peut pas mettre les gardiens armés dans des musées. Ça fait plus de peur que de bien. Et là, on va en arriver avec des gardiens qui vont avoir des échanges de coups de feu, des choses comme ça. Il n'y a pas un musée qui veut ça, il n'y a pas un pays qui veut ça. Ouais. Il n'y a pas de système. Oui, les voleurs à Boston étaient déguisés en policiers de Boston avec une auto de la police de Boston. Donc, il y a toujours un système de sécurité, mais l'organisme criminel qui a les ressources financières 10 fois celles de la police va être en mesure d'engager quelqu'un pour contrecarrer ces systèmes sophistiqués-là. Donc, oui, on essaie d'éviter le plus grand des dommages, mais oui. C'est pas... Mais est-ce qu'un vol, entre guillemets, propre, est-ce que maintenant on doit arriver armé? Est-ce que, ou sinon, un bon vieux vol où on déjoue la sécurité classique, ça se peut encore? Ça se peut encore. On l'a eu à Paris en 2010, par la nuit, en débranchant le système d'alarme avec quelqu'un à l'interne. Oui, ça se fait encore. Tout est possible. Oui, on le voit dans les films aussi, oui. Bon, mais si c'est dans les films, c'est parce que quelqu'un y a pensé, puis c'est toujours faisable, mm-hmm. À mon avis. Est-ce qu'on va un jour les retrouver, les tableaux de 72, du vol de 72 à Montréal? Oui, à mon avis, oui. Parce que à un moment, lorsqu'il y a des échanges comme ça entre des biens criminels et les tableaux qui sont volés, à un moment donné, ça devient... non plus intéressant, mais on a d'autres tableaux qui vont être volés. Et donc, ceux-là vont tomber dans des mains à un moment où les gens ne sauront pas que ça a été volé. Ils vont les remettre en vente et on va les récupérer comme ça. Et cette personne-là va être probablement de bonne foi avec un prix payé qui était correct à l'époque. Et cette personne-là s'expose à quoi? Si elle est de bonne foi puis qu'on n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a acquis criminellement ce bien-là, elle s'expose à absolument rien. Donc, après 50, 60, 75 ans, il devient très facile de remettre en circulation. On l'a par les œuvres pillées par les nazis. La personne qui en est la propriétaire, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, mais on va en arriver à négocier un certain prix pour récupérer l'œuvre pour la famille ou le pays. Oui. Alain Lacourcière, c'était fascinant. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je vous en prie, monsieur Beauchamp. Alain Lacourcière, consultant en œuvre d'art, sergent détective à la police de Montréal pendant des années. Merci encore. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, stagiaires à la recherche Caroline Desruisseaux, aux recherches d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Daniel Labrosse. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.